Livre 5, poème 24, J'ai cueilli. L'exil ne sépara pas Victor Hugo de Juliette Drouet, qui vint le rejoindre à Jersey. J'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline, dans l'âpre escarpement qui sur le flot s'incline, que l'aigle connaît seul et seul peut approcher, paisible, elle croissait aux fentes du rocher. L'ombre baignait les flancs du morne promontoire. Je voyais, comme on dresse au lieu d'une victoire un grand arc de triomphe éclatant et vermeil, à l'endroit où s'était englouti le soleil, la sombre nuit bâtir un porche de nuée. Des voiles s'enfuyaient, au loin diminuées. Quelques toits, s'éclairant au fond d'un entonnoir, semblaient craindre de luire et de se laisser voir. J'ai cueilli cette fleur, pour toi, ma bien-aimée. Elle est pâle, et n'a pas de corolle embaumée. Sa racine n'a pris sur la crête des monts que l'amère senteur des glauques goémons. Moi, j'ai dit, pauvre fleur, du haut de cette cime, tu devais t'en aller dans cet immense abîme où l'algue et le nuage et les voiles s'en vont. Va mourir sur un cœur, abîme plus profond. Fane-toi sur ce sein en qui palpite un monde. Le Dieu qui te créa pour t'effeuiller dans l'onde te fit pour l'océan. Je te donne à l'amour. Le vent mêlait les flots. Il ne restait du jour qu'une vague lueur lentement effacée. Oh, comme j'étais triste au fond de ma pensée tandis que je songeais et que le gouffre noir m'entrait dans l'âme avec tous les frissons du soir.